Le Comte du Garde, de Contes, Récits et Scènes en vers, par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Le Comte du Garde, à Sécoquelin. En Bretagne, et peut-être ailleurs, on se délasse à faire la veillée après un jour de chasse. Tous les gens sont rangés à distance du feu. Le chef de la maison est assis au milieu. « Allons, André, remue un peu ta vieille jambe. Apporte-nous du bois et faisons feu qui flambe. Nous avons du pommier, c'est le sarment breton, qui fait aussi du vin. Et vaut l'autre, dit-on. Maintenant, Margaret, souffle sur cette braise. Causons sans nous presser et comptons à notre aise. » Qui parlera premier? Eh garde, mon ami, à quoi penses-tu donc? 3,5 kilos? En pays bretonnant, c'est beau poids pour un lièvre. Ah, monsieur, celui-là n'est pas mort de la fièvre. Je passe avec Tom le long du seau de loup, je le vois, je l'ajuste, et je l'étends du cou. Roide. Il n'eut que le temps de dire 6 paroles. Bon, voilà Mathurin dans ses visions folles. Faire parler un lièvre, oh, oh mon compagnon. Si c'était un poulain, je ne dirais pas non. Mais un lièvre, jamais. Mes enfants, dit le garde, j'ai vécu plus que vous, et ceci me regarde. Eh bien, s'il a parlé, sachons ce qu'il a dit. C'est cela, c'est cela. Mathurin répondit. Les anciens du pays ont pu garder mémoire d'un homme nommé Cric, ferré sur le grimoire. Natif de Normandie, habitant Caperlé, huissier de son état, huissier ensorcelé, huissier jusqu'à la moelle, ardent, hargneux et rogue, mordant comme un mâtin et tenant comme un dogue. On n'a connu jamais un huissier plus huissier. Mon grand-père Thomas était riche fermier. Mais comme un paysan, amoureux de la terre, il voulut à son tour être propriétaire. Gérer son propre fonds, il fallut emprunter. Payer l'argent plus cher qu'il ne peut rapporter. Il eut des saints médards, il eut des lunes rousses. Bref, un mauvais prêteur lâcha Cric à ses trousses. Mieux valait une meute, alors tout fut perdu. Grain par grain, sou par sou, notre bien fut vendu. Il ne nous resta rien, terre, maison, ni chose, pas un fétu de paille. Et c'est pour cette cause que mon père fut garde, et que garde je suis. Holà, hé, Mathurin, vois où tu nous conduis. Quel rapport, monsieur Cric, a-t-il avec ton lièvre? Attendez, l'esprit va plus vite que la lèvre. Quoique devenu pauvre, errat comme un carlin, le grand-père Thomas était un fier malin. L'argent n'est pas toujours marque d'intelligence. Soit dit sans offenser notre voisin Fulgence. Le vieux était instruit, comme pas un savant. Il faisait souvent rire et réfléchir souvent. Il m'apprit l'écriture ordinaire et gothique, la charge en 12 temps, un peu d'arithmétique, le piquet, le billard, tous les arts d'aujourd'hui. Bref, tout l'esprit que j'ai, je ne l'ai que par lui. Il m'enseignait aussi les lois de la nature, ce que sera pour nous l'existence future. Il disait, « Mes enfants, quand vous serez dehors, votre âme deviendra l'âme d'un autre corps. Vous changerez d'état, d'instinct et de costume. Vous serez animaux avant d'être légumes. Ainsi, toujours mourant, ressuscitant toujours, vous serez des oiseaux, des insectes, des ours. Mais dans cette autre vie, animaux, mes chers frères, vous aurez des vertus et des vices contraires à ceux que vous aviez avant conversion. C'est ce qu'il appelait la compensation. Ainsi, les cerveaux creux seront cervelles pleines. Les beaux garçons, Joseph, seront bêtes vilaines. Les plus laids, entends-tu Jean, seront les plus beaux. Les lourds seront chevreuils et les légers crapauds. Les gens d'esprit seront les dindons et les oies. Les élégants seront tout habillés de soie, vous comprenez? Les vifs deviendront hannetons. Les moutons seront loups, les loups seront moutons. Entendez-moi, Jenny, les femmes et les filles, coquettes de leur corps, tourneront en chenilles. Les orgueilleux seront insectes aplatis. Les rois et les héros puceront tout petits. Les gourmandes, martons, seront mules frugales. Les avares d'ici seront la basse égale. Et les dissipateurs deviendront des fourmis. Ainsi, choisissez tous votre lot, mes amis. » Ici se récria l'auditoire champêtre. « Brave Mathurin, quel rapport peut-il être entre le vieux Thomas, le lièvre et Monsieur Cric ? Achève ton récit, voyons. » « Voici le hic. S'il est humble de cœur, s'il est doux caractère, deviennent les vautours, les loups et les panthères. Quel peut être le sort des pervers, des méchants, qui dans leur vie humaine ont tourmenté les gens ? À coup sûr, ils seront bêtes infortunées, aux fusils, aux bâtons justement condamnés. Plus ils auront commis de délits compliqués, plus ils seront punis et traqués et croqués. Or, voulez-vous savoir quelle est la créature la plus vouée au mal dans toute la nature ? Le lièvre, direz-vous. Oui, le lièvre, en effet. Quand j'en aperçois un, je me dis, qu'a-t-il fait ? Il faut avoir commis une bien grave offense pour rester à ce point sans force et sans défense. Les autres ont la dent, la corne, le terrier. Ils peuvent se venger ou se réfugier. Le blaireau fait son trou, la perdrix a son aile. Adieu le nez des chiens et la piste nouvelle. Le chevreuil a pour lui l'immensité des bois. Puis on chasse le gros tous les 30 du mois. Le lièvre tous les jours, le lièvre tout le monde. Il a peur du soleil et de la nuit profonde. Échappe-t-il au coup du chasseur régulier, il va se faire prendre au fil du braconnier. Entend-il une voix, un souffle dans la plaine? Il n'a qu'une ressource imprudente, incertaine. Il court, il court, il court. Mais il laisse après lui le fumet qui demeure alors qu'il s'est enfui. Lièvre, c'est un renard qui te suit à la trace. Le renard se fatigue, un autre le remplace. Ou c'est l'oiseau de proie aux sanglants appétits qui veut briser le crâne à tes pauvres petits. Car tu ne trouves pas, ô lièvre misérable, un être qui te soit utile ou secourable. Depuis le fier faucon jusqu'à l'humble fourmi, le lapin même est ton ennemi. Et l'homme, voici l'homme armé de son tonnerre. Tu ne peux t'envoler ni t'enfuir sous terre. Voici les chiens courants, voici les chiens d'arrêt. Il faut lutter de ruse et jouer du jarret. Cours au bois, un chasseur est là dans la clairière. Reviens de bois à plaine et de landre à bruyère. Mais le nez te dépiste et le pied te poursuit. Un fusil se rabat, il éclate, quel bruit. Non, tu n'es ni tué ni blessé, quelle chance. Un autre coup? Non, rien. Allons, prends de l'avance. Cours donc. Mais on se lasse à la fin de courir. La griffe se roidit, et mourir pour mourir, autant vaut retourner au gîte que l'on aime. Un troisième coup part, tu roules sur toi-même. Victoire, le voici. Regardez ses yeux morts. Une âme de coquin existait dans ce corps. C'était un vrai sorcier, c'était un mauvais diable. Pour mon pauvre grand-père, il fut impitoyable. Croyez-vous maintenant que le lièvre ait parlé ? Il a dit, je suis Cric, huissier de Quimperlé. Fin de Le Conte du Garde. Enregistré par Stéphanie.